Bienvenue sur Outcast, le podcast sur l'actualité rock et métal. Bonjour à tous pour le premier épisode de Hardcast. Donc je suis aujourd'hui avec Quakos. Salut tout le monde. Qui est également le présentateur donc du podcast L'apéro du Captain Web. Oui, exact, oui. Donc podcast sur l'actualité high-tech, complètement barré, hein, faut le dire. Ah, un petit peu quand même. Tant que ça. Donc présenté avec le Captain Web, Quakos, Lord ton père. Voilà, Emanox, voilà, donc merci à lui d'avoir accepté de m'aider, parce que j'avais aucun présentateur, voilà. Bah, pas de problème, écoute, on va tâcher de faire une petite présentation sympa pour ce premier épisode. Voilà. Alors, au sommaire d'aujourd'hui, donc une actualité assez fournie, notamment quelques bonnes annonces pour la France, une mauvaise pour les fans de Dio. Ah oui. Sinon, on parlera aussi du téléchargement, donc illégal et légal. On essaiera de voir ce qu'il en est actuellement, notamment avec Adopi. Ouais. Il fait rage. Hein. Ouais, ça fait rage. Et ensuite, une petite interview exclusive avec Thomas Thirion, le chanteur d'Acmé. Voilà, qui a accepté de me répondre, un gars très sympa. Cool. Voilà. Alors, pour l'actualité, donc déjà le double DVD de Manowar, donc qui s'appelle Hell on Earth 5, donc pour ceux qui parlent pas anglais, donc c'est l'enfer sur Terre 5, qui est sorti le 27 novembre dernier, avec une jaquette réversible, donc en fait ça sert à rien, c'est juste pour cacher les seins de la nana sur la pochette, c'est pour les gamins. Ah, c'est pas cool ça. Ah d'accord, oui, c'est bon. C'est pour que les nonnes puissent écouter Manowar, c'est tout. Et ça peut être aussi un bon plan marketing, ça. Si tu veux voir les seins de la nana, il faut acheter le DVD. C'est ça, en fait, ouais. Je suis sûr qu'ils le cachent. Ils le cachent quand ils le mettent, en fait, c'est ça. C'est fait exprès. Ouais, sinon, sur le live, on peut retrouver donc le morceau Hail and Kill. Ouais. Qui est très connu. Et ainsi que Feather, qui a rarement été joué en live. Donc là, c'est un peu une exclusivité. Et donc, il sera disponible. Enfin, il est disponible actuellement, maintenant. Au prix de 39,99€, voilà. Ok, cool. Et tu vas l'acheter ? Non. Ça va être trop cher. Sinon, bah, alors, une triste nouvelle donc, pour les fans du chanteur Ronnie James Dio, qui est donc l'ex-chanteur charismatique donc, de Black Sabbath, le leader de Heaven and Hell, donc la reformation de Black Sabbath, mais sans Ozzy Osbourne. Donc une triste nouvelle car on vient de se rendre compte qu'il a un cancer du foie et il a annulé donc toute sa tournée. Donc... Ça c'est dommage parce que Heaven and Hell c'était très bon. Moi je les ai vus au Hellfest cette année là, je t'avais dit que j'étais allé avec Manob justement. Et franchement c'était pour moi la grosse surprise du festival, c'était vraiment excellent quoi. Des bonnes pointures qui revenaient, ouais, c'est vraiment dommage qu'il leur arrive des conneries pareilles. Surtout, je crois que Tommy Yomi donc, avait eu un petit pépin de santé aussi. Il avait été hospitalisé. Oui, il me semble. Mais je peux plus dire exactement ce qu'il avait, j'ai plus retrouvé. Mais ouais, il n'y a personne qui en a parlé, c'est dommage parce que c'était quand même un des guitaristes principaux du groupe. Mais bon, enfin voilà. Ah, c'est clair, Tommy Yomi, c'est Black Sabbath, c'est tout ça. Quoi. Ouais, c'est un son et un jeu vraiment. Très très spécial et avec une patte très unique. Exactement. Sinon, en ce qui concerne maintenant le black metal, donc Cradle of Filth, donc le guitariste Paul Allender, donc a publié un petit court message. Je viens de me répéter, je suis con. Je cite, il dit: j'ai déjà terminé la moitié de l'écriture du nouveau matériel et c'est juste comme je le voulais. J'ai déjà dit à quelques personnes que c'est beaucoup plus rapide et plus lourd que Godspeed on the Devil's Thunder. Bon, pour être honnête, le nouveau matériel est quelques crans au-dessus. Moi, ce qui concerne donc Cradle of Filth, j'ai pas trop aimé ce qu'il faisait récemment. Franchement, je trouvais que c'était un peu de la daube. Je suis un peu comme toi, je suis plutôt fan Pardon? les années. Je suis plutôt fan aussi de ce qu'il faisait il y a une dizaine d'années. Sur les derniers, j'ai un peu moins accroché, mais j'attends de voir avec impatience ce que va donner Ouais, on va voir si ils sont l'opus. plus rares. J'ai l'impression que maintenant, en fait, les groupes de black metal, c'est juste on joue bourrin et le plus rapidement possible et on se fout un peu de la mélodie qu'il y a derrière. C'est un peu dommage, quoi. Il peut y avoir un peu de ça. Ouais, donc on verra ce qu'ils feront, quoi. Sinon, concernant Metallica, donc qui avait sorti un DVD live pour qui s'était passé à Nîmes, donc c'est français pour une nuit. Maintenant, ils sortent donc un DVD live qui s'appelle Orgullo, Passion, Gloria, Tres Noches en la Ciudad de México. Donc c'est un DVD qui a été tourné à Mexico, donc en Amérique du Sud, au Mexique. Donc je disais donc un DVD qui est sorti aujourd'hui même. Qui réunit les trois concerts du 4, du 6, du 7 juin dernier. Et donc avec près de 37 morceaux différents. Voilà. Donc je sais pas ce que t'en dis, toi, si tu vas l'acheter ou pas. Oui, moi ce que j'en dis, Metallica, je pense que je vais peut-être l'acheter parce que je reste quand même un grand fan de ce qu'ils ont fait dans les années 80-90. Même si c'est vrai qu'à partir des albums Load Reload, j'étais un peu moins accroché, ça reste quand même une grosse pointure du métal international. Ok, ouais, c'est vrai. Mais tu vas acheter aussi leur album français ou pas? Parce que moi, je pense que c'est quand même un des principaux, quoi. Et j'ai vu le show, je sais pas si tu l'as vu. Non, c'est pas lui. Franchement, c'est du lourd, quoi. Ouais. C'est bah déjà dans les arènes de Nîmes, ça en jette, quoi. On avait vu le live de Rammstein qui avait fait également dans les arènes de Nîmes. Et là, ah ouais, Metallica, c'est quand même du bon, quoi. Ah voilà, c'est quand même un truc. C'est un truc à voir, de toute façon, je pense. Hein. Ouais. Y a des groupes comme ça, on en parlait sur Twitter, comme AC/DC, Maiden, qu'on aime, enfin, faut aimer un fan, c'est quand même des choses à voir en live, parce que c'est des mecs qui mettent vraiment de grosses puissances Ouais, au qui donne tout. niveau, qui donnent vraiment tout ouais, sur scène, quoi. Ouais, c'est vrai qu'à CDC, quand on les voit, y a plus rien qui passe après, hein. Ah, Vraiment moi, pas le niveau. ça reste mes meilleures expériences live, je pense. Ouais, moi aussi, franchement, clairement. En plus, je les ai vus donc au stade Vélodrome, je sais pas si tu vois, à Marseille. Ouais. C'est quand même du joli. C'était la dernière tournée là qui a été l'année dernière. Ouais. Très bon, très très bon, voilà. Moi, tu vois, bizarrement, AC/DC, je les ai vus plusieurs fois. Hein, souvent, c'était à Bercy. Je les ai vus une fois donc au Stade de France. Et je les ai quand même moins aimés au Stade de France qu'à Bercy. Ah ouais. Je trouvais que l'ambiance était moins. Alors, c'est peut-être le côté plein air, si tu veux, mais je trouvais que dans la fosse, ça bougeait moins, c'était plus, ça faisait plus spectacle assis, bizarrement, que ça, Bercy. Ah ouais. Bah moi en fait bah moi ça bougeait beaucoup, en fait c'est surtout que j'étais complètement plaqué contre la barrière. Ah, t'es à J'étais étouffé à moitié, je suis ressorti en sang et tout, donc c'était vraiment ah, c'est quand même une bonne expérience, mais bon, c'est vrai que faut faire gaffe dans ces concerts. C'est clair. D'ailleurs, je crois qu'une petite anecdote, il me semble que c'était un concert d'AC/DC où j'étais allé avec Maddox, où on était bien sûr arrivé au premier rang au bout de 3-4 chansons. Et il était tellement compressé, si tu veux, sur la barrière qu'il avait rendu tout le dîner qu'on avait fait sur le vigile. Chose que le vigile n'avait pas du tout apprécié, mais bon, je passe la fin de soirée, mais c'était sympa. Ah, Très bon concert. ça devait être mignon quand même. C'était mignon, ouais. Sinon, donc, ce qui est pour les grosses pointures, donc maintenant c'est Kiss, donc qui sera en tête d'affiche au Hellfest, le Ouais. festival français. Donc il y avait eu également Twisted Sister et Immortal qui avaient été annoncés, et maintenant c'est au tour de Kiss, donc une grosse pointure également. Et pour un festival français, ça fait du bien, quoi. Ouais, c'est clair. On voyait qu'un peu que des daubes donc en France, et là vraiment. Alors, le fait cette année, donc moi je fais, il y avait quand même des grosses scènes d'affiches, quoi. Ouais, mais ce que je veux dire, ouais, c'est vrai, mais il y avait Marilyn Manson, Korn, tout ça, mais il n'y avait pas de groupe des années 80 comme AC/DC qui Ah, a détrompe tombé. toi, il y a eu un groupe, je ne savais même pas qu'ils étaient encore en vie, c'est Europe, des années 80, qui était là. Et étonnamment, il me semble que dans la fosse, c'était sûr qu'on réussissait à mettre plus d'ambiance. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, comme quoi, tous ceux qui écoutent du thrash, enfin, du black metal, tout ce que tu veux, étaient quand même, il y avait un côté un peu universel dans cette musique, Final Countdown et autres. où tout le monde était en train de tricoter, ça a fait une vague de poussière immense, où il n'y avait plus les mecs dehors devant toi, c'était assez étonnant, quoi. Ok, bah c'est bien. Mais y a pas trop de papy dans la fosse ou c'était pas. Ah, tu sais, dans les festivals, en général, il y a quand même, y a un peu de tout, hein. Il y a du jeune de 16 ans jusqu'au papy de 60 ans. J'avais fait le voile jeune aussi il y a quelques années, c'était à peu près la même. Ouais, ok, d'accord. Bon, bah, pour ce qui est de l'actualité, donc c'est plutôt fini. Donc on va passer sur le débat principal donc du podcast. Donc c'est sur le téléchargement. Ouais. Donc d'abord on va parler du téléchargement illégal, donc surtout de ce qui est Hadopi, quoi. Donc la loi, je le rappelle, qui est sortie en France et qui condamne le téléchargement. Donc Exactement. quel est, enfin ton point de vue à toi là-dessus? Alors, mon point de vue à moi, il est un peu mitigé, c'est-à-dire que autant d'un côté, je peux comprendre le discours des maisons de disques qui, bah, on leur coupe les sous-sous, et puis surtout, est-ce que certains artistes, nouveaux artistes de signer. Maintenant, je ne suis pas persuadé que les gens qui téléchargent auraient acheté l'album. Donc, j'ai aussi le côté voilà, la diffusion de la culture et pouvoir quand même écouter des musiques quand il arrive, même si on n'a pas le sou. Moi, je pense que, en tout cas, la manière dont ça va être fait n'est pas forcément la bonne. On parlait d'Adopi. J'aurais essayé peut-être de trouver une autre solution pour essayer de développer, continuer à développer l'industrie du disque. Tout en ne tapant pas sur les doigts du mec qui veut juste un petit peu savoir ce qu'il fait au niveau musical, quoi. Ouais, surtout que on a vu que on pouvait se faire condamner pour alors qu'on s'est fait pirater. Exactement. Il Il faut faut pouvoir prouver son innocence en installant voilà. sur son D'ailleurs, ordinateur. vous avez d'ailleurs un superbe débat, donc il me semble c'est dans l'épisode 11 de l'apéro du Capitaine, 11 ou 12. Je sais plus quel numéro, mais on en a parlé en effet. Ouais, donc un super épisode. Donc c'est Lord Ton Père qui explique bien tout ce qui, toute la, un peu toute la législation Hadopi. Et c'est vrai qu'on voit bien que c'est quand même un petit peu bancal, hein, le fait qu'on puisse être condamné alors qu'il faut sécuriser soi-disant sa ligne, sachant que si un hacker décide de piquer des trucs sur ton compte, ton client internet, t'as aucune chance, hein, c'est un petit peu débile selon moi. Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je pense qu'en effet, sur ce, ça va être beaucoup plus de gens vont pirater les lignes Internet pour pouvoir télécharger tranquillement et qu'on risque d'avoir des petites surprises. Voilà. Ouais, sachant que, il faut le dire, même lorsqu'on est protégé, donc avec un antivirus, c'est très facile de prendre la ligne Wi-Fi du voisin, hein. Moi, je le fais sans problème. Non pas que je télécharge sur son truc, hein. Je suis en règle de ce côté-là, mais c'est un petit peu débile. C'est un petit peu débile, faut le dire. Voilà, surtout que j'ai vu donc les stats d'un petit truc d'Ipsos qui dit donc déjà que la France n'est pas championne du téléchargement, contrairement à ce qu'on dit. Tout le monde nous dit que nous rabâche les oreilles avec le fait qu'on soit les premiers à télécharger. Et dans le classement, on se retrouve 9e en fait, hein, donc. Et les premiers, c'est qui, alors, ce Les premiers, sont-là? c'est la Chine. Les premiers, c'est la Chine. Ah, ouais. Tous les petits Chinois qui téléchargent en même temps, et ça leur fait un bon petit truc. Ensuite, t'as la Russie derrière. La Russie, Ouais. les Indes, l'Émirats Arabes Unis, l'Espagne, le Brésil, l'Italie, les États-Unis et le Japon. Voilà, donc ils sont tous devant nous, et bon, c'est un petit peu débile, tout le gouvernement qui nous ressort tout le temps qu'on est les premiers à télécharger, c'est un petit peu débile. La suite donc de cette stat Ipsos, ils disent donc que les pirates français achètent plus que la majorité des internautes. Donc c'est-à-dire que même s'ils téléchargent, derrière ils sont tout le temps en train d'acheter. C'est-à-dire que ils découvrent les groupes et ensuite ils achètent quand ça leur plaît, quoi. Voilà. Ce qui est un petit peu débile de condamner, parce que si on condamne ça après, on n'aura plus grand-chose qui achète, plus grand grand monde qui achètera les albums, quoi. Donc, Moi, je m'en fous un petit peu dans ce cas-là, en fait. ouais, moi aussi, clairement. Maintenant, depuis tout ce qui est Deezer à Spotify, donc je ne télécharge plus en effet, j'écoute plutôt sur ce type de plateforme. Et si l'album me plaît, de toute façon, il me faut la jaquette, Il faut le boîtier original. Enfin, Oui. c'est plutôt du genre à acheter si m'intéresse vraiment. Ouais, bah c'est toujours bien d'avoir l'objet matériel avec le livret et tout ça. Ça fait toujours plaisir de l'avoir entre les mains, quoi. Exactement. Et puis, bon, après, moi je suis plutôt un puriste aussi du son, et c'est vrai que le MP3, même bien compressé, ça reste autre chose d'avoir un bon lecteur CD, de bonnes baffles et une bonne écoute Ouais, chez je suis soi, d'accord. sur un CD, quoi. Je suis d'accord, ouais. Il y a également donc dans cette petite stat, ils disent donc que les gens qui, enfin, si jamais ils ne pouvaient pas télécharger avant, voir un peu ce qu'il en est, donc si l'album est bon, tout ça, eh ben ils n'achèteraient pas du tout simplement. Hein. Ils iraient pas prendre derrière. Ils s'en battraient comme de l'an 40, quoi. C'est tout. C'est plutôt mon cas aussi, hein. Franchement, je me fais un petit peu une idée avec les albums en les téléchargeant, et ouais, je les achèterai pas si c'est de la dope, quoi, c'est tout, hein, faut le dire. Ah, c'est un peu ça. Et puis après, moi, il y a toujours certains groupes, je ferai leur album qui va sortir, mais pour découvrir en tout cas, c'est vrai, de nouveaux talents, je pense que c'est. J'allais dire indispensable, pas indispensable, mais c'est une aide, ça peut être un outil en fait de totalement publicitaire, quoi, au final. Ouais, surtout quand on voit que bah, ils nous rabâchent aussi les oreilles à nous dire qu'il faut écouter la radio pour découvrir, mais quand on voit ce qui passe à la radio, bon. Il y avait d'ailleurs, je sais pas si tu connais Jean Dambeux, c'est un très très très bon chanteur, je crois qu'il est suédois, c'était le chanteur du groupe Arc. Et il avait sorti donc un album, son dernier album, et il l'avait foutu en ligne, en libre écoute, mais en plein milieu de la chanson, tu entendais à un moment You're listening to the new album of your land, comme ça. Et ça passait deux, trois fois dans la chanson, mais tu pouvais quand même entendre complètement la chanson pour Ouais. avoir une idée de l'album et de la qualité de l'album. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai écouté Ouais, ce CD également comme ça, et j'ai acheté l'album après. c'est peut-être une bonne idée de foutre les chansons avec quelques petits copyrights dedans et ouais. Mais bon. Pour moi, c'est une idée globale, toi, de l'album, comment il se situe, s'il est bon, s'il n'est pas bon, est-ce que le riff se plaît, est-ce que tout ça, et ça permet, bah, si tu l'aimes pas, bah, tu l'achètes pas, et si tu l'aimes, tu l'achètes, quoi. Ouais, il y a aussi des groupes qui mettent leur album en ligne et qui te demandent aussi de donner l'argent que tu veux, quoi. Je crois que c'est Coldplay qui l'avait fait. Oui, il me semble. Et peut-être System of a Down, je crois, avec Still This Album, donc qui avait sorti le CD, je crois qu'il le foutait en téléchargement. Et ça peut être bien, franchement. C'est plutôt intelligent maintenant dans l'ère multimédia. D'ailleurs, il me semble que tu parlais de Coldplay, il me semble avoir lu une fois que, avec cette façon de faire là, au final, ils avaient gagné largement autant que si ça avait été vendu de façon complètement standard. Ouais, carrément. Après, bon, moi, comme on le verra donc dans l'interview du chanteur d'Acmé, il nous dit carrément que bon, avec le téléchargement, ses ventes ont été divisées par 10. Donc après, on peut Ouais. aussi se poser la question si les groupes, si quelques groupes, ceux qui ne sont pas forcément connus mondialement, ont peut-être aussi un petit peu de mal à vivre avec ça, quoi. Donc sachant que déjà les maisons disques leur pompent le fric jusqu'à l'os, C'est un peu peut-être. vrai. C'est possible aussi que c'est une répercussion. Mais il faudrait peut-être créer un partenariat, comme le chanteur d'Acme me disait, pour pouvoir donner la musique gratuite et avoir des sponsors derrière, c'est-à-dire un peu de la pub ou quelque chose comme ça, quoi. Ça pourrait être intéressant. Ouais, c'est ça. Et puis après, il y a aussi, on peut parler de tout ce qui est TVA, tout ça. Moi, je me rappelle quand j'étais allé justement à Wacken, il y avait un stand de vente de CD. Et moi, je m'attendais en plein festival Europe, au final, ça coûtait deux fois moins cher qu'à la Fnac en France. Ah ouais, J'étais bah. original neuf, c'était 8 euros, pas plus. Le prix des CD maintenant, c'est vrai que la dernière fois je suis allé voir un CD donc de Slayer, donc des vieux CD quand même, hein. Ouais. Bah, il y en avait pour 15 euros quand même, hein. Ouais, c'est ça, on 15 euros minimum, pour un voilà. CD qui est sorti dans les années 80, c'est un peu exagéré quand Ah, des fois, il y a des super offres à 10 euros pour les anciens albums. même. Je trouve déjà que 10 euros c'est cher, quoi. C'est. Ouais, ça arrive. Après, voilà, il y a aussi la question pour moi, ce que je me disais à un moment, c'est qu'il n'y aura pas un tarif unique à mettre, tu vois, sur un CD. Parce que un genre musical complètement différent du mien, des artistes français de variété. Une fois, je lui ai acheté un CD, je ne vais pas nommer le nom, mais je lui ai acheté son album 17 euros pour son anniversaire. Et quand je l'ai mis dans mon lecteur CD, je vois 27 minutes. Le mec avait fait 9 chansons de 3 minutes, quoi. Et Oh 27 putain. minutes de 17 euros, j'ai trouvé ça quand même énorme, quoi. Bah surtout pour 27 minutes, c'est honteux quand C'est même. ça, quoi. Donc bon, en fait, le tarif fait à la minute, j'en sais rien. Ouais, c'est un peu quand même une honte que déjà que des gens osent sortir donc des albums de 27 minutes. Mais moi je sais pas si tu vois Judas Priest qui a sorti donc un album il me semble il y a 2 ans. Nostradamus là qui était donc un 2 CD il me semble et donc c'était je l'avais payé 18 euros bon c'est cher mais pour un 2 CD que aussi long que celui-là Ouais, voilà, c'est ça. hallucinant Bon, ouais. ah d'accord là je comprends que le prix enfin ça vaut son prix après je sais pas mais quand on voit sur iTunes par exemple j'ai vu qu'il y avait des LP à 9,9 euros. C'est vraiment pas cher quoi, ça vaut peut-être le coup, ils rajoutent des vidéos, tout ça. Ça peut être intéressant, moi, franchement, je pense que je Ouais. vais aller vers ça quoi. Même s'il manque toujours le support matériel, après c'est sûr que C'est ça. c'est toujours le problème quoi. Ouais, donc sinon pour le téléchargement légal, donc j'ai dit donc il y a iTunes, là où on peut acheter donc ces morceaux. Cher, faut le dire, hein, 99 centimes le morceau, ça fait mal, ça fait un peu mal au cul quoi. Sinon il y a Spotify donc Spotify et Deezer je disais ouais donc Spotify et Deezer donc maintenant que ce sont un peu des alternatives au téléchargement donc en fait on paye un abonnement donc surtout sur Spotify et après on a accès donc à un nombre de chansons hallucinant en fait hein. On peut l'écouter même après en déplacement sur son iPhone je crois que toi tu l'utilises donc. Moi j'utilise, ouais. Je suis un grand utilisateur de Spotify. Ouais, voilà. Et qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi j'ai pas encore souscrit. Et ouais, c'est vrai que ça me semble intéressant, quoi. J'en pense que c'est très très intéressant. Le petit défaut, je dirais, c'est qu'on n'a pas encore un catalogue ouvert. Je prends deux exemples assez énormes. Tu peux chercher Pink Floyd, tu n'auras que des reprises. Tu Ouais. peux pas avoir les vrais albums de Pink Floyd, et il me semble que c'est pareil d'ailleurs pour Metallica. Bah, tu peux pas écouter ces albums-là. Mais à part ça, sinon, je trouve le principe assez bon. Moi, quand j'avais commencé, donc c'était au tout début de Spotify, il n'y avait pas les petites pubs toutes les 30 secondes, donc c'était encore mieux. Maintenant, mais bon, ils attendent quand même la fin du morceau pour te sortir leurs 30 secondes de pub, quoi. Mais c'est un outil sympa, notamment pour découvrir, comme disait tout à l'heure, de nouveaux artistes. J'écoute pas mal de groupes comme ça, notamment en tapant un titre de chanson et de voir qu'ils avaient fait une reprise de tel ou tel truc. J'ai connu Disturbed, peut-être comme ça, tu vois. Ouais, mais sinon c'est payant à la base ou c'est après tu prends un abonnement à la base? C'est gratuit à la base. C'est D'accord. gratuit, mais donc comme je disais, tu as un passage pub de 30 secondes toutes les 5-6 chansons à peu près. Et si tu veux zapper ces pubs-là et a priori avoir une meilleure qualité encore audio, il faut un abonnement en effet à 9 euros, je crois, par mois, quelque chose comme ça. Ouais, bon, ça peut être une alternative plutôt que d'acheter 9 euros et quelques l'album. D'avoir tous les albums à portée de main et en plus je crois que quand on souscrit après on a l'option de pouvoir l'utiliser en déplacement donc avec notre iPhone C'est ça, oui. donc c'est plutôt bien franchement c'est un baladeur virtuel vous encombrez pas votre baladeur et voilà et vous avez toute votre bibliothèque ça peut être intéressant je pense que maintenant les groupes vont souvent s'orienter vers ça parce que ça leur permet de pas se faire trop télécharger. Ensuite, les gens, s'ils veulent avoir un support qu'ils ont sur leur ordi ou plutôt qu'ils ont un support matériel, et ben ils l'achèteront, quoi. Je pense que c'est indispensable. Ouais. De toute façon, ces mecs-là, Deezer, Spotify, ils ont des accords avec les maisons de disques et ils reversent aussi des sous-sous, hein, bien sûr. Ouais, je pense bien, ouais. Ok. Si t'as quelque chose à ajouter donc sur le téléchargement, quelque chose qui te tient à cœur ou pas. Oh, écoute, non, je pense qu'on a un petit peu tout dit là-dessus. Pas grand-chose qui me tient à cœur. C'est vrai que. Je dirais juste pour conclure que ce serait dommage qu'on passe à côté de super groupes à cause un téléchargement trop omniprésent. Spotify, ça donne envie hein, d'acheter un CD après. Moi, je suis plutôt, en tout cas, dans ce cas-là, quoi. Ok. Ouais, bah moi de toute façon, je pense que je vais pas tarder aussi à me mettre à Spotify. C'est plutôt intéressant. Après, bon, j'espère que quand même que le gouvernement va un petit peu lâcher son Adopi parce que bon, c'est quand même des conneries, faut le dire, hein. Ou sinon qu'il refasse un petit peu parce que bon, on peut pas non plus gérer tout ce qui se passe sur notre FAI. Voilà. Honnêtement, moi je pense que c'est surtout un truc un peu pour faire peur. J'ai du mal à voir comment ça peut vraiment se concrétiser sans atteindre, pas terme légal, mais tout ce qui est droit de l'homme et prouver l'innocence, enfin, on va pas prouver l'innocence de quelqu'un, on va prouver qu'il est coupable. Ça, c'est la première loi française. Et j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on peut complètement appliquer la DOPI sans bâcler cette loi-là. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un petit peu des conneries quand même. Mais de toute façon, Compliqué. je crois que le PS avait justement annoncé ses problèmes avec les droits de l'homme. Ouais, c'est vrai que c'est qu'on peut jamais prouver qu'une personne a fait ceci, cela. On sait pas qui est devant l'ordinateur. Donc, Exactement. c'est un petit peu débile. Bon, voilà. C'est Mais un je petit pense peu que débile. c'est plus un moyen de faire peur un peu et une pression à ceux qui téléchargeront beaucoup, plus que vraiment devoir engendrer des quantités de plaintes et tout ça. Ouais, de toute façon, ils arriveront jamais à avoir tout le monde, hein. C'est sûr. Les gens sont tellement imaginatifs maintenant, ils trouvent toujours un moyen de télécharger sans se faire gauler, donc Et puis s'ils arrivent à avoir tout le monde, je pense qu'il ne resterait plus grand monde dans les rues de Paris et de France. je pense aussi, ouais. Je crois que maintenant la majorité des gens téléchargent, donc bon, peut-être qu'il faudrait de leur part faire des penser à un peu plus et essayer de mettre des accords avec peut-être les maisons de disques pour avoir des prix un peu moins chers et tout ça. Je pense que les gens, si c'est du moment que c'est moins cher, je pense que les gens iront acheter sans problème, quoi. Donc voilà. C'est sûr. Puis bon, c'est vrai que les maisons de disques là-dedans, c'est elles qui ont commencé un petit peu à râler. Hein. Donc Ouais, surtout. maintenant, connaissant un petit peu comment ça se passe au niveau partage de sous, je pense que les maisons de disques devraient penser un petit peu à revoir à la baisse leurs dividendes et leurs revenus grâce à la vente d'albums. Et je pense qu'ils en vendraient beaucoup plus, Ouais, bah c'est une politique, hein. Faut voir ce qu'ils feront. quoi. Ouais. Je suis pas sûr qu'ils sont prêts à lâcher les sous-sous, hein. Je suis pas sûr non plus. Donc on verra, hein. On verra si nos demandes sont écoutées. Mais bon, je pense que je suis pas le seul. Enfin voilà. Donc bah c'est un peu tout pour le débat. Ok. Donc voilà, bah, on va passer à l'interview. Je vais directement la mettre. Voilà. Mais Ok. merci à Quacos, hein. Pas de problème. Écoute, Très ah sympa. tiens, si je vais. Allô, je Si t'entends tu veux pas. bien, si tu veux Oui. passer, tu m'entends? Ouais. Deux petits conseils, peut-être, j'avais vu, il y a Lacuna Coil qui passe, hein, il me semble, au Bataclan la semaine prochaine, le 8. Non, c'est pas la semaine prochaine, c'est en février, pardon, 8 février. Ok, d'accord. Lacuna Coil, c'est très bon ça, j'avais découvert ça à Wacken. Ouais, un bon Et petit groupe symphonique avec une chanteuse. avec une chanteuse, voilà, c'est pas mal à écouter. Ouais, une très belle chanteuse en plus. Il me semble qu'elle est pas mal. Ouais, pas mal, je confirme. Ouais. Voilà. Ah, ok. Ciao. Ben voilà. Donc, show Artcast. Merci Et heureux d'avoir été là pour ce premier épisode. à toi, c'est sympa. De Allez, rien. ciao. Ciao. Et c'est parti maintenant pour l'interview du chanteur d'Acmé, Thomas Thirion. Bonjour à tous pour l'interview du premier podcast. Je suis donc aujourd'hui avec Thomas Thirion, le chanteur d'Acmé, qui a généreusement accepté de me répondre aujourd'hui. Donc salut à toi Thomas et bienvenue chez Artcast. Salut, bonjour à tous. Donc je vais commencer par te demander de te présenter et de présenter le groupe pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. D'accord. Donc moi je m'appelle Thomas, comme tu l'as si bien précisé. Je suis donc le chanteur d'un groupe qui s'appelle Acmé, un groupe français, qui mélange aussi bien rock et métal. On a des influences pop, aussi bien que des influences hardcore. Donc voilà, on mixe. Donc le groupe s'appelle Acmé. Il y a Étienne à la batterie, Julien à la guitare et Charlotte aussi à la basse. Et voilà, toutes les infos sont sur le acme.com ou le myspace.com/acme, AQME. Ok, nickel. Et donc, quand est-ce que vous avez commencé et pourquoi est-ce que vous avez formé Acme en fait? Acme, ça date d'il y a un moment. Je crois que en fait, Étienne, le batteur, et Benjamin, notre ancien guitariste, avaient fait un groupe ensemble qui s'appelait Neurosyndrome à l'époque. Ils sont séparés du chanteur, donc du coup, c'est moi qui l'ai remplacé, même s'il voulait pas de moi au début. Et du coup, voilà. Après, Charlotte a remplacé notre ancienne bassiste qui s'appelait Sophie. Ok. Et voilà, puis on a travaillé beaucoup et pour 6 mois après partir en Suède, pardon. D'accord. Donc, votre dernier album qui s'appelait Hérésie. Oui. Donc, je disais que vous avez très beaucoup évolué donc, vers un son beaucoup plus dur, beaucoup plus métal. Et C'est vrai. quel a été, à ton avis, le facteur déclenchant pour ce changement? Donc, Étienne, Charlotte et moi, d'ailleurs, on écoute tous les trois des trucs un peu métal et même hardcore pour certaines chansons, pour certains groupes. Et donc voilà, on avait envie de s'endurcir un petit peu plus, de faire une musique un peu plus virulente. Benjamin, lui, notre ancien guitariste, n'avait pas du tout envie de faire ce genre de musique. Il avait envie de se poser un petit peu et du coup, on l'a remplacé par Julien, tout simplement. Ok, d'accord. Ça a toujours été nos influences d'avoir des trucs un peu virulents et on n'avait pas du tout envie de se calmer avec le temps. On vieillit. Ça, c'est bien. Donc, je rappelle que Julien, donc c'est Julien Hacking, qui est officier et officie toujours, il me semble, chez l'Asie. Enfin, même si les îles en ce moment, j'ai l'impression que c'est un peu en stand-by. Ouais. Ok. Ils ont du mal un peu à composer le deuxième album, mais ouais, il en fait toujours partie. Ok, d'accord. Et pourquoi donc l'avoir choisi spécialement lui? C'était, vous étiez déjà proche ou je sais Bah pas. ouais, on se connaît en fait. Moi, je connais Julien depuis presque une quinzaine d'années parce qu'on était des potes d'enfance. On s'est connus il y a très très longtemps. Et il avait déjà participé en fait au side project d'Étienne qui s'appelait Grumt, Ouais, je qui était vois. un groupe de grind, voilà. Et donc du coup voilà, quand on s'est dit il nous faut un goût nouveau guitariste, tout de suite on a pensé à lui, ouais. Ok, d'accord. Et donc, finalement, est-ce qu'il s'est bien intégré et est-ce qu'il a bien composé donc sur le nouvel album ou... Ouais, il y a quand même pas mal de chansons qui ont été déjà composées par Étienne. En fait, quand D'accord. il est arrivé, Étienne avait presque déjà tout un album de composés. Mais a composé, je sais plus combien, je crois que c'est 4 ou 6 morceaux. Et a donné et a changé pas mal de choses en fait sur aussi les compos d'Étienne déjà. D'accord. Donc ouais, il a quand même pas mal participé, ouais. Ok. Mais en fait, quand vous aviez composé, vous aviez composé chacun de votre côté ou est-ce que vous voyez ça ensemble pendant vos répétitions en fait? Non, on fait ça pendant les répétitions. Nous, on bosse vraiment à quatre. Donc, c'est vraiment. Ça se fait à quatre. On donne tout de suite notre avis s'il y a un truc qui nous plaît pas pour que ça avance plus rapidement. Ok, d'accord. Ok, donc, maintenant parlons de votre nouvelle galette. Donc, qui s'appelle En l'honneur de Jupiter et qui est sorti le 19 octobre dernier. Bravo. Donc, tout d'abord, pourquoi un tel titre? Je vais pas expliquer le titre parce que je préfère que tout le monde se fasse un peu sa propre interprétation et puis que tout le monde aille un peu fouiller qui est Jupiter et qu'est-ce que ça peut être le reste avec les autres types de chansons, que tout le monde se fasse un petit peu sa propre investigation. Je trouve ça plus intéressant d'avoir une interaction avec le public et avec les gens. Donc du coup voilà, c'est à chacun d'aller fouiller pourquoi. Pourquoi et comment? Ok, d'accord. On pouvait également craindre donc avec ce nouveau changement, un nouveau changement de genre après le départ de Ben. Et finalement, on se rend compte que vous êtes resté complètement dans la même lignée et vous avez même signé, selon moi, un des meilleurs albums en fait, hein. Et avez-vous eu une motivation particulière ou est-ce que ce changement de line-up vous a été bénéfique? Ouais, les motivations particulières, bah, comme on avait changé de guitariste, c'était pas de refaire la même chose que ce qu'on avait fait avant sur les précédents albums. Donc, voilà, de profiter un petit peu des atouts qu'avait Julien. On n'a pas voulu prendre aussi un clone de Benjamin, parce que ça aurait pas été intéressant musicalement. Donc, du coup, voilà, on a laissé Julien avoir son son, avoir sa manière de jouer. Et donc, voilà, ouais, ça nous a été, je pense qu'un changement de line-up, ça peut être souvent que bénéfique. Ouais, une vraie évolution, quoi. Voilà, exactement. Ok. Donc maintenant, je vais te poser une petite question, donc qui a complètement rien à voir sur l'actualité de maintenant. Ouais. Donc en ce moment, on entend beaucoup parler donc d'un Hadopi qui est pour certains trop présent, pour d'autres pas du tout assez. Et quel est ton point de vue sur le téléchargement et sur cette nouvelle loi? Je t'avoue que la loi, je la connais pas. Je crois qu'elle est un peu ridicule pour le peu que j'en connaisse. C'est un peu n'importe quoi, mais je trouve que c'est nécessaire de faire une loi parce que malheureusement en France, les gens prennent pas conscience que les artistes ont besoin d'être payés et qu'il faut bien qu'il y a un moment, voilà, l'argent de disque et ça coûte beaucoup d'argent. L'argent après aussi les gens qui travaillent sur ces albums pour faire la promo, pour faire des choses, ils ont aussi besoin d'être payés. Les artistes aussi ont besoin d'être payés sur leur vente de disques. Donc il y a un moment où il faut quand même prendre conscience qu'il faut acheter l'album et que télécharger, c'est bien pour découvrir, mais qu'après, il faut vraiment acheter les albums, quoi. Donc ouais, si en France, on n'est pas capable de se discipliner, peut-être qu'une loi, ouais, ça nous ferait peut-être pas de mal. Et voilà, quoi. Ici, il faut taper sur certains pour pouvoir réussir à avancer, c'est malheureux, mais si on n'est pas capable d'être responsable, c'est comme ça que ça va se passer. C'est bien dommage d'ailleurs. Ouais. Parce que moi, je trouve ça génial de télécharger des morceaux et tout et découvrir. Là, tiens, d'ailleurs, grâce à vous, j'ai découvert The Cumshots que je ne connaissais pas. Et donc, c'est vachement chouette. Tu vois, j'ai un logiciel qui s'appelle Spotify, Je vois, ouais. qui est un logiciel gratuit. Spotify, j'écoute les albums et si ça me plaît, je vais les acheter, quoi. Ouais, c'est nickel. C'est sûr que... Mais tu penses pas que les gens qui téléchargent vont beaucoup acheter derrière? Parce Non. que c'est peut-être une façon de découvrir aussi. Non. Ouais, non, mais ça c'est faux parce que tu sais quoi, nos ventes de disques, elles ont été complètement divisées par 10. Hein. Ouais, je vois. Donc, tu vois, on parle pas de 2, de 5, ou... là on parle de divisé par 10. Donc c'est quand même super violent. On fait de la musique parce qu'on en a besoin, parce qu'on a envie de le faire, parce que c'est notre passion. Mais par contre, il y a un moment où aussi, tu vois, on a quand même des loyers, on a quand même l'EDF, et t'inquiète pas qu'eux ne nous oublient pas, la banque ne nous oublie pas. Hein. Donc, va Je leur sais dire, ouais, bien. mais c'est pas notre faute, les gens téléchargent nos albums, ça, eux, ils s'en branlent complètement. Hein. Donc, et l'État ne nous aide pas non plus, donc, et fait même nous enfonce, puisque au fur et à mesure, ils commencent à supprimer l'intermittence ou à la rendre encore plus compliquée qu'avant, déjà que c'était pas simple. Donc, nous, obligé de bosser, tu vois, je bosse tous les jours Ouais. en dehors de la musique. C'est quand même fou que C'est pas qu'un fou. groupe. Ouais. Dans plein de pays, tu vois, même nous, beaucoup de groupes qu'on aime, tu vois, ils sont obligés de bosser à côté. Ce qui est juste dommage, c'est que les gens se rendent pas compte de tout ça et même on n'en a rien à foutre. Déjà qu'ils n'ont pas forcément une grande culture musicale et qu'ils passent plus de temps à cracher sur les groupes qu'ils détestent plutôt qu'à essayer de découvrir des gens qu'ils aiment. Je trouve ça nul, mais peut-être qu'une bonne loi où on va vous taper sur les doigts, où on nous tapera d'ailleurs sur les doigts, parce que j'en fais partie aussi, hein, ça nous fera peut-être pas de mal, ouais. Ça nous fera peut-être réagir et faire des nouvelles choses. Ok, d'accord. Bah, mais merci pour cette analyse, hein. Ah non, pour le coup, ouais, je trouve ça vraiment dommage, Ouais, c'est sûr. Quand on voit les Tokyo Hotel qui sont des millions avec des trucs un voilà, peu ça. C'est étranges. un peu ça, c'est que ces gens-là, que leur vente soit divisée par 10, c'est moche pour eux, mais ça leur fait encore quand même quelques centaines de milliers de disques, alors que nous, quand nos ventes elles sont divisées par 10, ça fait plus que 2000 disques, quoi. Ouais. Et 2000 disques, tu fais rien du tout avec 2000 disques, quoi. Tu vends rien, tu peux pas rembourser tes dettes, du coup, tu as du mal à trouver une tournée, donc on a du mal à trouver des dates. Et donc ça devient un cercle vicieux et c'est juste tuer le groupe, quoi. C'est tuer même les groupes. Ouais. Donc, tant Wow. qu'on n'a pas trouvé une sorte de partenariat, je sais pas, d'une manière ou d'une autre, qui ferait que la musique serait payée par, je sais pas, par un sponsor ou par un truc, et que du coup, les gens pourraient la télécharger gratuitement sur des sites. Tant qu'on n'a pas trouvé ça, ouais, il faut quand même acheter les albums, quoi. C'est sûr. Ouais, donc vous avez tous compris, hein, si vous voulez que Acmé continue, achetez leur album, hein. Ouais, j'en ferai partie. Mais nous aussi, on achète Ouais. et on fait acheter nos albums à toute la famille pour qu'ils participent un peu. Ça, c'est bien. Donc je vais poser une dernière petite question qui est un peu Dis-moi. plus classique. Ouais. Donc quelles sont vos principales inspirations en ce qui concerne donc d'une part la musique et les contenus de vos textes et d'autre part le visuel que vous rendez sur scène? Alors, un, pour le visuel sur scène, j'ai l'impression que c'est juste nous. C'est nous à 100%, il n'y a pas vraiment d'artifice. Même quand on a eu un peu de sous à l'époque où on vendait un peu plus de disques, on avait un fond blanc sur scène, ou sinon on avait le logo Acme tout simplement. Après, on essaye juste de faire le show par nous-mêmes et pas avec des artifices. On n'a pas, il n'y a pas de trucs qui pètent, il n'y a pas de. Il se passe pas des trucs incroyables sur scène, on essaye juste de donner de l'énergie et de partager ça avec les gens qui sont en face de nous. Je pense, bah comme je l'ai dit hein, tout à l'heure, hein, elles peuvent être très pop et très calmes, et puis d'un seul coup, passer à quelque chose de très virulent et très énervé, et, soit brutal, soit violent. Ouais. Ok. Et c'est quoi, dans vos paroles, c'est plutôt un mal-être qui comprime toute cette brutalité ou c'est... Ouais, bah c'est souvent la vie de tous les jours qui te fait constater que bah, la vie est un peu moche et que du coup bah, tu te révoltes. Donc c'est aussi bien concernant la religion que les politiques, que des histoires de cœur de temps en temps. Ça peut être vaste, le sujet est vaste. Il y a tellement de trucs que je déteste. Ouais. Donc Bah. que je pense que j'aurai de l'inspiration pour l'éternité, ouais. Ouais, continue à détester des choses et ponds-nous de belles chansons. Bah merci, ouais, j'espère. De toute façon, pff, il suffit de regarder la télé 10 minutes pour que je déteste plein de choses, donc. C'est vrai. Bon bah merci en tout cas hein, Thomas pour cette interview. Bah merci à toi. De rien. C'était ma première interview sur Skype aussi. À moi aussi. Donc Parfait. bah je te souhaite une bonne continuation. Bah merci beaucoup, bonne continuation à toi aussi. Et puis merci de m'avoir fait découvrir, de m'avoir fait découvrir, pardon, The Cum Shots. C'était vraiment une belle découverte. Voilà. Et j'en profite également pour remercier Pierre, donc du label At Home, Exactement. qui m'a beaucoup aidé, qui a été très patient et qui m'a permis de faire cette interview. Et je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, je voudrais moi faire une spéciale dédicace à nos amis du forum, sur le forum du acme.com, qui continuent de nous soutenir et qui continuent d'être là, d'être présents et de faire des choses aussi bien sur le net que en concert ou dans les petites soirées qu'on fait. Là, on a prévu de faire peut-être une petite soirée au Black Dog, si on y arrive. C'est un bar à Paris Ok. où ils balancent pas mal de métal. Donc voilà. Et donc je voulais leur faire une spéciale dédicace à tous ces gens qui continuent de s'activer pour nous et qui sont toujours là. Ouais, Merci à vous. et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux et achetez ce nouvel album donc de Acme et retrouvez-les sur scène très prochainement. Ouais, parce que sur scène, on donne tout ce qu'on a. Je confirme, c'est vrai. Allez, à plus tout le monde. À plus. Et voilà, c'était l'interview d'Acmé avec Thomas Thirion. Je le remercie encore énormément. Merci également à Quacos du podcast L'apéro du Captain Web, donc qui a présenté ce premier épisode avec moi. J'en profite également pour remercier encore une fois Pierre du label Atom qui m'a permis de faire cette interview. Je m'excuse pour les problèmes de son, hein, c'est pas encore ça, mais c'est sûrement ma connexion internet qui bug un petit peu, Orange qui fait des siennes. Bah à bientôt pour un prochain podcast et voilà, on va se laisser avec un petit morceau, à vous de deviner lequel. Ciao!